seul, le soir tard. Seul tout le soir, besoin d'espoir, je suis dans le noir, besoin de la flamme d'une bougie pour éclairer le chemin de ma vie. Tapis dans l'oubli, le cul posé dans une barque à la recherche d'un infini. Et l'utopie dans ma tête, mon corps retrouve mon esprit pour un très court laps de temps car lui-même se détruit. La mentalité d'homme est celle d'un gosse de 10 ans. Mes 10 ans sont les gens et me disent en même temps. Que faire maintenant, pourrir l'avenir et les temps. C'est triste pourtant, bonnes conditions étaient requises. Mais tant on a à dire sur les propos compromis, grand est l'échec de toutes ces actions promises. Voilà la raison de mes actions prises à la hâte et la raison pour laquelle ma vie a grise mine. Comme je casse mon crayon et ça grise mine. Quand je vois des gosses cul-de-jatte qu'on sautait sur des mines, ou d'autres travaillaient dans les mines, ou les fils de pute ont créé les 4000. Pourquoi tant de peine et tant de haine se retrouvent concentrés sous les toits des tours, alors que gamin on n'y pensait même pas tout ce temps qu'on était à jouer dans la cour. Aujourd'hui c'est la course aux frics, entre les flics et les fils qu'ont pris trop de risques pour quelques billets briller sous les bras des tours. Pour ma part j'en ai fait le tour, c'est pour cette raison que je cours toujours, c'est pour eux que je continue de parler. J'y peux rien, je peux plus taire, marre de mettre mes frères en terre. Même s'ils esquivent l'enfer, ils seront vengés. Même si moi je dois y aller, la vie est une pute, mais on se doit de la contrôler. Continue de faire tes affaires avec tes frères, mais protège-les. Comment décrire les pensées qu'on a assis seul tout le soir, comme l'espoir qui part et revient, défoncé puis long dans la main, comme le jour laisse place à la nuit noire jusqu'au lendemain. On m'a dit la vie est dure et on arrive à le supporter. On m'a dit t'as un cœur pur, j'ai répondu que j'étais cinglé, mais j'ai pas la tête sous les ordures. Pur n'est pas le futur, télévisuel sont les modèles à opposer ou décalquer le long des murs. C'est sûr, à vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas, on va devenir des robes dures et l'or pur, on l'aura pas, leur perdure. À rester toi malgré les cassures, les blessures, on avance au fur et à mesure et croque tout à démesure pour pas se faire bouffer à l'usure. On t'a déjà dit la vie est dure, comment décrire les pensées? Tu sais lesquelles tu parles, celles qui dans ton esprit perdurent dans le noir de nos ruelles, dans nos zones de non-droit. Comment décrire les pensées? Tu sais lesquelles je te parle, celles qui dans ton esprit perdurent, les vérités qui tapent dur. À une époque où je tease pur, l'alcool c'est de la merde et avec c'est ce que je deviens. Tu veux te sauter la tête, il te faut la taille, mais ça te revient cher. T'es ta santé vaut plus cher, je pense aux miens, leur vie m'est chère. Je pense aux morts, mon cœur les cherche, comme mes yeux recherchent mon shit. Méfiant même dans les plans mafieux, très lent pour sortir de mon pieu. Un regard vide reflète mes yeux, mais je suis lucide sur l'état des miens. Et on se défonce, c'est ce qu'on fait de mieux, même si à force ça nous fait peur. Dis pas exterminateur, mais plutôt exterminateur. Oublie le crâne de fer, quand je teste les miens, leur corps est fort. On n'est pas là pour faire la guerre, mais pour la paix, faut faire l'effort. Faut arrêter de faire l'effort, de se comporter comme des gros porcs. Faut que j'aille prendre terre dehors. L'alcool défonce, même si t'as l'impression d'être bien. Tu sais que t'es mort, la dépendance c'est rien, sauf quand elle contrôle ton corps. La dépendance c'est rien, sauf quand elle contrôle ton corps.